mouvement provoque un ralentissement du temps. CKRL est une espèce unique dans notre monde. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. De tout temps, des milliers de mélomanes se sont donnés pour mission de vous faire découvrir de nouveaux univers musicaux et ont atteint l'ultime frontière que les autres radios n'ont jamais osé franchir. Un monde en apparence inaccessible. Au-delà de nos perceptions traditionnelles. Du 4 au 6 avril, c'est le Radioton de CKRL, tourné vers l'avenir. Mathieu Dugal, Benoît Roberge, Raymond Poirier, Jean-Michel Dufault, Sébastien Benoît, Caroline and the Star Above, Olivier Bercelli, Odile Dupont, Vincent Gagnon, Laurent Patnaud, Jean-Sébastien. Il est absolument impossible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation. Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un random. Check it out. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un random? Quoi? Non merci? Random. Tant pis. Bob Dylan, Richard Sega, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Carolina Chocolate Drops, Leonard Cohen, Lila Downs, Lisa Leblanc, Tanis Van Zandt, Neil Young, Folk d'Amérique. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumet. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballez sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Barbe Rank au microphone. Une émission avec une invitée. Bonjour Isabelle Porter. Bonjour. Tu viens nous parler d'un très bon livre et d'un scandale d'édition. On en parlera tantôt. Il y a Gilles Chaumel qui on se va joint. On parler de la protest song. Oui, et ça va très bien avec le livre. Ben oui, je trouve il y a vraiment là quelque chose avec Isabelle. J'aime ça qu'on s'arrive toute seule, que les choses se rejoignent. Moi, je vais vous parler de Claire Martin qui aura 100 ans le 18 avril. On souligne ici à l'émission des centenaires et on oublie les vivants. Il faut bien en parler. Les centenaires décédés. Oui. Ben, normalement, c'est ça. Ça fait que les centenaires qui sont encore en vie, on aime encore plus ça. Karine Lacroix-Pelletier va être avec nous pour nous parler du dernier essai d'Annie Cloutier qui s'appelle « Aimer, materner, jubiler ». Et s'il reste un peu de temps, j'aimerais bien vous glisser un mot sur le dernier roman de Marie Clark, Le lieu précis de ma colère, qui a un super beau titre et qui, en fait, est un super beau livre aussi. Pour nous introduire dans le sujet tout de suite d'Isabelle Porter, on va écouter Leonard Cohen et on vous revient. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Bonjour Isabelle Panter, je suis très contente de te revoir à l'émission. Ben oui, moi aussi ça me fait plaisir. Et là, tu me travaillais que tu voudrais revenir avec des lectures en anglais. Normalement, je suis pas tout à fait pour ça. Mais là, on parle vraiment... Commençons avec le scandale. Ben le en fait... scandale! Parce que ce livre-là, t'es arrivé, t'as dit, bon, c'est une... C'est une découverte. En fait, c'est la meilleure biographie que j'ai lue... je pense depuis très longtemps là, la biographie de Leonard Cohen qui s'appelle I'm Your Man de Sylvie Simmons. Et le scandale, c'est qu'au début, bon, on savait bien que ça avait pas été traduit en français, mais là, en fouillant un peu sur Internet, on s'est rendu compte que ça avait été traduit en 14 langues, mais pas en français. Quelle Ouais, c'est un peu troublant. Ça vaudrait la peine de... Je sais pas s'il y a un éditeur qui écoute ou quelqu'un qui connaît mais parce qu'il y en a tellement des francophones qui adorent Leonard Cohen qui auraient un plaisir fou à lire ce livre extraordinaire. Il est quand même né à Montréal. Oui. Et jusqu'à nouvel ordre, on parle aussi français là-bas. C'est traduit en espagnol, allemand, italien, néerlandais, hébreu, danois, finnois, polonais, norvégien, chinois, finnois, tchèque, slovène, turc et grec. C'est complètement délirant, mais pas en français. Que s'est-il passé? Alors, je sais pas, c'est peut-être c'est l'éditeur. Ça fait que s'il y a des éditeurs ou vous connaissez un éditeur de votre confiance, allez le convaincre. Il parle très bien français, Leonard Cohen, puis ses concerts, il est présent en français. Ça a été édité chez McClellan and Stewart, qui je pense qu'il était un éditeur canadien. En tout cas, ça vaudrait vraiment la peine de creuser ça. Mais en tout cas, pour ce qui est du livre lui-même, moi, en fait, je suis tombée dessus par hasard parce que j'avais envie de lire ce genre de livre-là, puis je fouillais un peu voir qu'est-ce qu'il y avait comme biographie d'artiste qui m'intéressait. J'avais envie de lire une biographie. Puis là, c'est vraiment par hasard que j'ai acheté celle-là. Et wow! Le sujet est fascinant et il a été traité avec énormément de professionnalisme et de sensibilité. Là, je veux parler d'abord de l'auteur. Après ça, je vous parlerai de Leonard Cohen. Sylvie Simmons, moi, évidemment, je la connaissais pas, mais c'est une grande, grande journaliste musicale et ce livre-là, entre autres, lui a valu toutes sortes d'honneurs, mais elle a couvert à peu près tout, écrit dans tous les magazines, on va du Spin Magazine, Rolling Stone, etc. C'est quelqu'un qui a une connaissance de la musique inouïe, qui aime ça, mais en même temps qui est capable de s'effacer derrière son sujet. Une anecdote sur ce livre-là, c'est qu'elle tripait tellement sur son sujet que quand elle a fait sa tournée promotionnelle, elle chantait elle-même les chansons de Leonard Cohen, puis souvent elle s'accompagnait d'un ukulélé. Quand j'ai lu ça, ça a tellement piqué ma curiosité, je suis allée voir sur son site internet, qui est super intéressant lui aussi. Elle s'est beaucoup intéressée au folk, mais à toutes sortes d'autres choses. Elle est reconnue, entre autres, pour avoir été une des premières à définir ce qu'était le glam rock, puis le heavy metal dans les années 80. Donc, tu sais, c'est vraiment un parcours éclectique. Elle a écrit une biographie remarquée de Serge Gainsbourg aussi. Mais ça, vraiment, en tout cas, en anglais? C'est traduit, oui, ça. Mais, mais celle-là, elle a été traduite, effectivement. C'est une des rares que j'ai trouvées en français. Et puis, dans ce cas-ci, ben, c'est ça. Ce livre-là, je crois pas enfin, je crois pas qu'il ait reçu de prix littéraire. Mais moi, il y a une émission musicale que j'adore à la radio publique américaine qui s'appelle National Public Radio. Mm-hmm. L'émission s'appelle All Songs Considered. Et c'est l'animateur de ce show-là, qui est vraiment super respecté dans le milieu de la musique, a dit que c'était la meilleure biographie musicale de l'année 2012. Et vraiment, quand on lit, on n'a pas de misère à comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que je me dis, même quelqu'un qui très pas en fou sur Leonard Cohen. Moi, je suis pas une fan finie de Leonard Cohen. Va embarquer parce que c'est le portrait d'une époque. C'est puis c'est une époque passionnante à New York, beaucoup, mais aussi à Montréal. C'est toute l'espèce de petite faune littéraire anglophone de la jeunesse de Leonard Cohen qui est passionnante. Puis bon, ce qui ressort, puis ce qui est frappant pour quelqu'un qui connaissait pas. Qui connaît pas nécessairement bien sa vie, c'est à quel point Leonard Cohen est devenu un chanteur et un musicien par accident, en fait, pour des raisons purement économiques. Lui, son ambition existentielle, c'était d'être un poète. Il a fait ça pendant super longtemps. D'ailleurs, quand il est devenu célèbre, il était déjà assez âgé, là, il était dans la trentaine avancée, puis il se tenait avec des stars naissantes comme Lou Reed et compagnie, Johnny Mitchell, qui eux étaient dans le début de la vingtaine. Puis mais lui, ça, tout son parcours, c'était à l'enseigne de la poésie. Puis quand on sait ça, ben ça permet de comprendre beaucoup de choses sur ses textes, sur ses chansons. En même temps, comment dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est que il est tellement mystérieux, puis on l'associe tellement à une certaine forme de profondeur, qu'on a l'impression que toutes ses chansons ont une espèce de, c'est ça, profondeur incroyable, puis sont pleines de sens. Puis finalement, quand on sait le contexte dans lequel elles ont été écrites, c'est pas nécessairement le cas. Donc, par exemple, la chanson qu'on écoutait tantôt, Le Partisan, moi, c'est une des chansons que je préfère de Leonard Cohen, qui est une chanson qui parle de la guerre qui se passe en France et tout ça. Moi, je pensais que c'était un homme qui avait réfléchi à la guerre et tout ça, tu sais, qui avait écrit ça. Ou à la limite, je savais pas si c'était une chanson traditionnelle qu'il avait reprise, mais j'estimais qu'il mesurait vraiment. Bon. Et en fait, non, Le Partisan, c'est une des premières chansons qu'il avait pris à la guitare quand il était dans une espèce de camp scout à 15-16 ans. Puis c'était dans le recueil, tu sais, le recueil de chansons qui se faisaient tous donner. Et puis lui, la bonne chanson en anglais. Ouais, vraiment, tu sais, parce qu'il était dans un truc un peu, son camp, c'est une espèce de camp un peu marxiste avec beaucoup de pacifiste là-dedans. Puis c'était peut-être du pré-hippie, là. C'était dans le nord de Montréal. C'est ça, exactement. Puis là, lui, en plus, il s'est rendu compte que jouer de la guitare, ça pognait avec les filles, puis il pognait pas quand il était jeune. Donc, il chantait Le Partisan, puis il a appris à fumer à la même époque. Puis tu sais, c'était ça, là. Fait que ça fait drôle, tu sais, quand tu sais ça. Mais c'est pour ça qu'il y a un plaisir un peu malsain à tout savoir, parce que ça enlève une partie du mystère qu'on aime chez cet artiste-là. Oui, c'est donc, vrai. Donc, voilà. Toi, tu m'avais envoyé une coupe de pistes. Ouais. Oui. Et moi, là, ce qui m'avait... Le rapport au sacré, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il est parti, on l'a plus vu en musique, il était parti en Grèce. Oui, oui, c'est très pour jeune. Pour aller prier. Ça c'est au tout début. Ça c'est à ses débuts quand il est encore un poète. Mais donc Leonard Cohen, c'est particulier son rapport à la religion parce que il a beaucoup magasiné les religions, mais en même temps, tu sais, c'est parce que d'un côté très jeune, il y avait une fascination pour la religion qui est un peu tu sais, les symboles religieux, c'était pas tant de la foi que la symbolique l'inspirait. Puis bon, c'est plus une démarche littéraire, finalement. Oui, au début, tu sais, dans ses livres, il y avait beaucoup de symboles religieux catholiques. Lui, il venait d'une famille pourtant juive. En même temps, bon, la religion avait pas de place dans sa vie, mais en avait énormément dans sa poésie. Puis le premier roman qu'il a fait connaître, par exemple, était très... un mystique, là, ça s'appelle Beautiful Losers. Puis là-dedans, il y a tout un... Il est comme en adoration, le personnage dans ce livre-là, pour Kateri Tekakuta, qui est un personnage... qui a été sanctifié, ou enfin, qui vient d'avoir sa béatification. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est comme un peu esthétique, son intérêt à la religion, la fascination pour le sacré. Puis là, ben, plus ça avance dans sa vie, plus lui-même, il finit par faire une espèce de quête spirituelle. Moi, j'avais entendu parler de ce son passage, bon, le fait qu'il a fini par aller du côté du bouddhisme, mm-hmm. puis c'est ce qui restait, puis ça lui a apporté beaucoup. Mais en fait, avant ça, il avait flirté assez sérieusement avec l'Église de la Scientologie dans la fin des années 60. Oh my God. Ouais, il y en a beaucoup. C'est là qu'il a rencontré d'ailleurs sa femme, celle, la mère de son fils, Suzanne, qui n'est pas la Suzanne de la chanson, parce qu'il y a eu deux Suzannes dans sa vie. C'est une grecque. Enfin, il l'a rencontrée en Grèce, la première Suzanne. Non. Non, la première Suzanne, c'était la femme de Armand Vaillancourt à Montréal. T'as raison. C'est vrai. Ouais. Et, puis on a tous l'impression, parce que moi, j'avais l'impression en écoutant la chanson que c'était son amoureuse et tout ça. Puis finalement, c'était la femme d'Armand Vaillancourt. Puis il y avait une relation très platonique, un peu, il y avait un extrait sur elle que j'avais trouvé drôle, ou en tout cas, il racontait qu'elle allait chez lui, puis il buvait du thé, puis il mangeait des fruits, puis ils appelaient le dieu de la poésie pour qu'il vienne en eux, puis qu'il puisse écrire. Tu sais, c'était un peu intense. C'est encore le sacré. Vraiment. Puis ce poème-là, la chanson Suzanne, il l'a vraiment écrit pour Suzanne Vaillancourt. Ça a pris une ampleur incroyable. Je sais pas comment il fait encore pour la chanter aujourd'hui, parce que juste dans le livre, moi, je suis plus capable d'en entendre parler. Là, dans sa biographie, elle a été reprise et refaite tant de fois, cette chanson-là. C'en est, assourdissant. Mais, donc oui, ça, c'est un des aspects très intéressants du personnage aussi. Il reste peu de temps. Il y a des potins là-dedans. Oui, les potins. Ah, ça, c'est super. Juste pour les potins, c'est super. Parce que c'est une grosse prique. Je peux pas croire que c'est juste profond, là. Hein? Lâchons le profond, là. Non, mais là, OK, pour aller dans la superficialité, le bout qui concerne Nico, la chanteuse des Velvet Underground, est assez hallucinant en soi, parce que Leonard Cohen a tout fait pour coucher avec elle, puis ça n'a jamais marché. Mais là, il nous parle d'elle, puis là, Nico, dans le fond, il y a un paragraphe où ils disent « Nico était venu rejoindre Bob Dylan à New York avec le fils qu'elle avait eu avec Alain Delon, mais finalement, Nico va se ramasser à sortir avec trois gars en même temps, dont Jimi Hendrix et Jim Morrison. » Puis ça continue comme ça. Puis lui, il arrive à New York en 67, je pense, oui, par hasard, sur le chemin du Tennessee. Puis par hasard, il est dans un bar. Il y a le premier gars qui vient lui parler, c'est Lou Reed. Puis c'est comme ça tout le temps. C'est un petit peu exaspérant. C'est chaque personne ou chaque fille qu'il rencontre, c'est Patti Smith, Johnny Mitchell. Et en même temps, lui, il est toujours un peu au cœur de cette communauté-là, puis un peu à l'extérieur, parce qu'il fit pas, il est pas dans le trip hippie, il est pas dans le trip de Warhol non plus. Un rocker non plus. Non, mais il y a comme une espèce de... C'est des rockers, là. Ouais, hein? C'est ça. Puis en même temps, il va finir par enregistrer son deuxième album avec une gang de country à Nashville. Puis là, il va s'acheter un chalet dans le fin fond des bois. En tout cas, on s'ennuie pas, là, tu sais. Puis là, il est dans le fin fond des bois, puis dans le livre, il nous raconte qu'il fait le party avec un vieux cowboy repris de justice. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est vraiment riche. Et l'auteur Sauf écrit merveilleusement. C'est ça. Mais moi, je veux dire, j'ai un bon anglais, puis ça m'arrive de lire en anglais avec difficulté. Mais là, vraiment, c'est facile. Puis ça nous aide à le comprendre. Puis elle est allée faire, tu sais, c'est une bonne journaliste, là. Elle est allée faire des belles entrevues. Elle en a tiré du bien. Un des musiciens qui a travaillé avec Cohen, à un moment donné, qui dit sa voix était comme une montagne. Tu sais, comment résumer la voix de Leonard Cohen aussi bien? C'est comme ça tout long. Moi, vraiment, je le recommande chaudement. Puis, c'est pas nécessairement facile à trouver en librairie, mais c'est vrai que ça se commande, tu sais, dans toutes les librairies qui sont plus dédiées à la littérature francophone. Vous ne vous tromperez pas. Bref. Tu nous redis le titre? Oui! Alors, c'était I'm Your Man, The Life of Leonard Cohen de Sylvie Simmons. Puis pour les potins, il y a une petite déception. Il n'y a pas d'index à la fin, donc vous ne pouvez pas chercher vos vedettes préférées. Mais sinon... Dans la version française, on l'aura peut-être. Peut-être. Merci, Isabelle Pantin. Merci. trees bear a strange fruit. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord et Gilles Chomel a lu pour nous 33 révolutions par minute. Une histoire de la contestation en 33 chansons, volume 1, parce qu'il y a un volume 2. Ben j'espère, parce que 33 chansons, c'est pas beaucoup. C'est un siècle complet, non? C'est énorme, parce que à chaque fois qu'il présente une chanson, il en présente 40 en arrière dans le même chapitre. OK. Il me semblait aussi. Okay. Alors, des chansons de la contestation, c'est Dorian Lynskey. J'ai pas autant d'informations que tu en avais sur l'auteur. Je sais que c'est un Anglais qui a travaillé beaucoup, beaucoup pour Rolling Stone, le magazine. C'est une bonne référence quand même. C'est pas mal en partant. Et ce 33 révolutions par minute, l'histoire de la contestation en 33 chansons, c'est, faut se le dire, américain, dans le sens que c'est des chansons américaines qu'on a entendues. Des chansons de protestation, lui, il en donne une définition courte. Je l'utilise dans son sens le plus large pour décrire une chanson qui aborde une question politique du point de vue de l'opprimé. Si c'est une catégorie, elle est vaste, pleine de trous et rien de menaçant. Parce que chaque fois que tu fais une chanson de protestation, t'es sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre. Quand tu fais une chanson de protestation, tu vas avoir des fans, puis tu vas avoir des ennemis. Okay? Mm-hmm. Mais ça, les chansons de protestation, ça existe au moins depuis le Moyen-Âge, avec les Goliards, qui étaient des prêtres défroqués qui s'amusaient à dénoncer l'Église. Au 20e siècle, lui, il considère que la première grande chanson, puis même, je pense que j'aurais pu faire juste mon laïus sur la première grande chanson, c'est celle qu'on vient d'entendre de Billy Holiday, qui s'appelle Strange Fruit, qui est écrite en 1937. La chanson est parue comme chanson en 1939, chantée par Billy Holiday, qui, au départ, était pas trop chaude à lancer un pavé comme ça dans la mare de la chanson populaire simple et facile, parce que Fine and Mellow et puis d'autres chansons susurrantes comme ça, c'était pas ça qui était pour virer le monde à l'envers. Elle a été écrite par un gars qui s'appelle Abel Meerpool, qui était, lui, un juif communiste, membre du Parti communiste américain. Ça l'a existé. Ça a existé, pardon, on va pas faire de la laïsation ici. ça a existé, et ça a existé très très fort dans la première partie du 20e siècle, si on veut. Et il y a eu beaucoup de protest songs qui ont été écrits. Mais l'auteur, lui, s'attarde particulièrement à celles qui ont eu cours dans la chanson populaire et un peu dans le jazz. Quand il décrit Billy Holiday, son Strange Fruit, il décrit la personnalité de Billy Holiday, il décrit la société, grosso modo, à l'époque des années 30-40, comment les gens ont pu recevoir ça, dans le Nord et dans le Sud, ça va de soi, comment les autres musiciens qui l'entourent ont pu aussi vivre ça. Et ça continue comme ça, d'un bout à l'autre, de ce livre, remarquablement, c'est une étude sociologique. Et là, j'ai lu juste le premier tome. C'est une étude sociologique du 20e siècle à partir des protest songs. Woody Guthrie, This Land Is Your Land, c'était une chanson qui a été écrite pour dénoncer l'expropriation des fermes dans le Middle East quand il y a eu une sécheresse épouvantable. Les gens avaient plus le moyen de garder leurs terres, et puis donc de grandes compagnies les rachetaient et engageaient les gens qui étaient autrefois des propriétaires comme maintenant des métayers, ou pratiquement comme des esclaves. C'est exactement le même processus qui s'est produit à la suite de la guerre de sécession, quand le Nord envahit le Sud, et puis qu'on a libéré, entre guillemets, les Noirs américains pour les réengager à fermage, et puis donc pour être capable d'arriver à vivre de leur métier, il fallait qu'ils achètent des instruments, etc. Bref, il garda toujours une espèce de lien d'esclavage. Mm-hmm. Et c'est cette forme d'esclavage-là qui est écrit dans This Land Is Your Land. Et à ce moment-là, avec cette description-là de Land Is Your Land, là, il s'en va chercher Lomax, Alan Lomax, qui est un musicologue américain important, qui est allé chercher d'autres chansons. on va de chanson en chanson, on descend. Pourquoi ça commence si tard, dans les années 30? Parce qu'il me semble qu'il y avait des choses à contester aussi avant. Absolument. Il y avait quand même eu une grande guerre où les Américains ont participé. On s'entend qu'une protest song ne s'adresse pas à l'ensemble de l'œuvre de, à l'ensemble des jours, là, on s'entend. Elle s'adresse, puis les premières protestations, c'était ça, dans les années 20, 30, elle s'adressait à des gens qui étaient politisés, à des gens qui faisaient partie d'un syndicat, des gens qui avaient quelque chose à revendiquer. OK. Dans le cas de Billie Holiday, c'est devenu une chanson populaire. Et planétaire. Ouais. Il y a eu, je sais pas combien de personnes qui ont, et puis, il faut voir la description qu'il en fait. Hein. Tu vois un spectacle dans une salle, on t'annonce que Billie Holiday va chanter là. C'est une jeune chanteuse noire de 23 ans. C'est l'âge qu'elle avait quand elle a commencé à la chanter. Et elle chante des chansons, donc, doucereuses, les Fun and Mellow de l'époque. Mm-hmm. Et puis, bon, et tout d'un coup, les lumières se baissent, il y a un climat qui s'installe, et c'est ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Strange Fruit, de cette façon-là. Et puis là, le monde qui, évidemment, entre deux chansons parle, ou même pendant les chansons parle, ils se mettent à comprendre que là, les armes dont on parle, ce sont des Noirs qui ont été pendus et qui sont en train de pourrir sur place. Mm-hmm. Mettons que ça jette un froid dans la salle, et c'est exactement ce qui s'est produit. Je pense pendant au moins la moitié des concerts qu'elle a donnés. Au début, là, quand elle a, d'abord, elle était pas très chaude à utiliser cette chanson-là pour la bonne et simple raison que c'était pas effectivement. C'est pas vendeur. Bon, ok. Mais en même temps, elle était très consciente de sa condition noire. Elle était péripatéticienne à l'âge de 15 ans. Là, c'était pas par choix. Là, tu sais, c'est bon. Donc, elle a pris cette chanson-là, et c'est devenu non seulement un hit, les gens, après la chanson, généralement, il y avait 15 à 20 secondes de silence, jusqu'à temps que la salle éclate en applaudissements, ou alors que les gens sortent, ou qu'il l'a eu littéralement. Il n'y avait pas de réaction mi-figue, mi-raisin. Oui. Alors, on commence avec ça, on commence avec Strange Fruit, puis on avance tout le long dans le livre. Le passage bien intéressant, c'est l'autre chanson que je voulais proposer, c'était le Ohio de Neil Young, hein, qui a été écrit à la suite de l'assassinat de quatre jeunes Américains à l'Université Kent dans une séance de protestation. La police était là, l'armée était là. Et puis, bref, il y a eu l'assassinat de ces jeunes-là. Young, qui n'était pas le plus protestataire du groupe de Crosby, Stills, Nash & Young, on sait que David Crosby en était tout un. Quand il a vu les photos dans le magazine Life, il a tout de suite écrit Ohio, qui est vraiment un chef-d'œuvre de chanson. Young est un grand compositeur de musique, pas toujours un grand auteur de grandes chansons non plus. C'est devenu, parce qu'ils l'ont fait en 4 jours, puis ils ont sorti ça sur... Micro-sillon. Oui, sur Atlantique. Puis c'est encore une fois, comme dans le cas de la chanson de Billie Holiday, un juif qui a fait connaître cette chanson-là, c'est Nushi Yerktogun, qui était le boss d'Atlantique, qui a sorti la chanson. Ça s'est vendu à des... Et là, il explique que dans Ohio, c'est la fin du grand mouvement de protestation des années 60 que ça va... Et là, il explique de façon très politique avec le rôle que Nixon va être en train de... Fait que bref, c'est un livre politique tellement bien écrit. C'est une sociologie politique par la musique. Des grands composés, des grands chanteurs, des grands compositeurs. Et des mouvements de protestation. Et des mouvements en même de protestation. Il y a... Puis dans les chansons, ben évidemment, il y a Victor Jara même qu'on va chercher à cause d'Allende. Il y a qui d'autre? Bob Dylan. Masters of War, OK? C'est paru où? Nina Simone, Mississippi Got 'Em, puis James Brown, puis Crosby, Stills, Nash, puis etc. Stevie Wonder. Chez Rivage Rouge, il y a deux tomes. Le deuxième tome commence à 1977 jusqu'à aujourd'hui. Le premier, de 39 à 1964. 33 révolutions par minute, une histoire de la contestation en 33 chansons, volume 1, Dorian Linsky. Et on le trouve sur notre page Facebook. Oui. Vous pouvez tout aller consulter ça. Toutes les bonnes librairies. On revient bientôt. 89.1 CKRL. Les 4, 5 et 6 avril prochains, c'est le Radioton de CKRL. Ici Marco Cagliari, padrino d'honore de l'événement. Je vous invite à y participer en faisant un don ou à devenir membre. Grazie mille. Mattina dopo la lezione, volevo farmi un film. Ne manquez pas le 4 avril prochain, la première journée du Radioton de CKRL présentée par la Caisse Desjardins de Limoilou. Faire affaire avec la Caisse Desjardins de Limoilou, c'est investir dans l'avenir de notre collectivité. Seulement en 2013, elle a versé plus de 700 000 $ pour la réalisation de projets structurants qui visent le développement de notre milieu. En tant que membre, vous êtes invité à prendre part à l'Assemblée générale annuelle et au cocktail de lancement de son 100e anniversaire, mardi le 15 avril à 17h30 au Cégep Limoilou, campus de Québec. Pour plus de détails, visitez la Caisse ou son site web au www.desjardins.com/caisse-limoilou. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. 12 $ à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord sur les ondes de CKRL et c'est le moment de faire un petit rappel. Vendredi, samedi, dimanche, c'est le Radioton et si vous aimez ce que vous entendez ici, ben c'est le temps de venir à la station au 405 3e avenue et de voir les shows qui se donnent ici, toutes les animations des émissions en direct. On peut acheter des livres et de la musique. Absolument. On peut devenir membre, on peut faire des dons juste pour la joie de faire un don. Fait que je vous invite de faire un tour. C'est vendredi, samedi, dimanche au 405 3e avenue que ça se passe. Radioton. Et là, on arrive à un centenaire qui s'en vient. Le 18 avril, Mme Claire Martin va avoir 100 ans. As-tu déjà lu du Claire Martin? Jamais, non. Bonjour, Karine. Bonjour, David. Toi, Gilles? Jamais. Toi, Guérit? Tu penses pas. C'est toujours ça. Pour moi, Claire Martin, c'est une très, très grande auteure québécoise. Elle n'a pas commencé comme écrivaine. Elle a d'abord travaillé pour la radio. D'ailleurs, c'est elle qui a annoncé la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur les ondes de Radio-Canada. Ah, les ouais? francophones l'ont appris par la voix de Claire Martin que la guerre est finie. C'est quand même pas anodin. Elle est née le 18 avril 1914. Elle a vécu une enfance particulièrement triste et malheureuse et elle en a tiré beaucoup de son inspiration pour ses romans. Elle n'a jamais fonctionné avec le nom de son père qu'elle a laissé tomber très vite. Elle a pris le nom de sa mère qui était pour elle, en tout cas dans son œuvre, elle a l'air d'être une femme gentille, fine, mais soumise à la violence de ce père-là et qui va mourir très jeune. Le père va se remarier, va faire d'autres enfants, je sais pas, à la fin il était 7-8. Il y a des enfants là-dedans qui vont mourir par négligence, par un manque vraiment de personnes qui s'occupaient vraiment d'eux. La lecture est interdite. Comme elle l'a dit, elle l'aurait peut-être jamais écrit. Elle serait peut-être jamais arrivée à donner tant d'importance à la littérature si son père les avait laissés lire. Mais il ne l'a pas fait. Ça fait que ce qui s'est fait, c'est vraiment... ils l'ont lu en cachette. Ils s'habillaient dans des vêtements. C'était quasiment des sacs qu'il y avait sur eux. Fait qu'il y avait des vêtements. S'ils réussissaient, il y avait 4 ou 5 sœurs. Il y avait des vêtements pour sortir, pour rencontrer des gens qui cachaient. Ils se changeaient pour se mettre belles parce qu'ils portaient des gros bas épais avec des robes qui arrivaient au mi-mollet. Vraiment rien qui les mettait en valeur. Et il y avait interdiction de se couper les cheveux. Ces filles-là, c'était extrêmement religieux d'un autre côté, fait que ces filles-là ont été envoyées dans des écoles religieuses où, en même temps, elles témoignent dans ces livres aussi de la violence qui régnait dans ces lieux-là, des gens injustes qui n'étaient pas à l'écoute des enfants du tout, du tout. Une résiliente? Une grande résiliente, oui. Oui. Et ce qui est très scandaleux, c'est que quand elle s'est mariée en 45, elle était déjà plus une jeune fille quand elle s'est mariée. Et c'est je pense que là où ça m'a choqué le plus, il fallait qu'elle abandonne son travail comme speaker à la radio parce qu'elle était mariée. Une femme mariée ne pouvait pas travailler. C'est quand même scandaleux. Ça, là, on parle de 45, là. Tu sais, on parle pas, justement, de, je sais, pour... c'est un peu 29, étonnant, parce que des femmes qui travaillaient durant le temps de la guerre, même mariées, il y en avait beaucoup. Oui, mais les hommes n'étaient pas là. Tu sais, ils remplaçaient les hommes. Mais rendus en 45, c'était autre chose. Hein. Les hommes étaient de retour, ils reprenaient leur place et on renvoyait des femmes où on croyait que c'était leur place. Ça se discute aussi. Et c'est là qu'elle s'est mise, en tout cas, ce qui est bien là-dedans, elle s'est mise à l'écriture et elle a écrit des romans. Et ce qui est pour moi et le plus grand de son œuvre, c'est ça s'appelle Dans un gant de fer, la joue gauche et suivie d'un deuxième tome, la joue droite, on sent toute l'influence du religieux, où elle raconte justement cette enfance-là. Moi, j'en ai toujours fait une lecture tout à fait féministe, parce que j'ai senti dans son œuvre qu'elle était une résiliente, oui, mais qu'elle était quand même fâchée avec ce qui est arrivé à elle. Et oui, elle avait ses grands-parents maternels qui apprenaient l'été, le temps que sa mère était encore vivante, ce qui lui a donné comme l'espoir qu'une vie meilleure pouvait exister. Mais tu sens qu'il y a dans cette petite bout de femme que j'ai déjà rencontrée ici à CKRL. Moi, j'étais à la place des Guérites à la mise en onde et elle était à l'émission Ancrage ici en entrevue avec Éric Simard, qui était à l'époque l'animateur. Écoute, elle est haut comme trois pommes, mais tu sens une force et tu la sens dans son œuvre. Et pour moi, c'est vraiment très grande perte qu'on parle plus des prix qu'elle a gagnés de son œuvre. Moi, j'ai relu Dans un gant de fer, la joue gauche, la joue droite l'été dernier. Et je sais que cette année, pour moi, c'est vraiment une année aussi pour relire les autres livres qu'elle a écrits. Il y en a plusieurs qui sont parus chez l'instant même. Ça vaut la peine. Allez voir la page, Claire Martin. C'est-tu très autobiographique? Non, pas tant que ça. Elle parle aussi beaucoup de l'amitié. Oui, il y a des choses qui se rapportent à ça, mais... non, pas toutes, parce qu'il y a un livre dont je me rappelle que j'ai lu dans les premiers, et ça faisait pas si longtemps que j'étais au Québec, c'est pour ça que ma mémoire est un peu défaillante, et les livres de Claire Martin font partie des livres que j'ai prêtés, qui sont pas revenus. C'est toujours bon signe, vous le savez. Moi, des livres qui me reviennent pas, je pars de l'idée que c'était des chefs-d'œuvre. Il y avait un livre qui parlait justement d'un deuil, d'une amitié, de quelqu'un, d'une amie qui était en train de mourir. Et ça n'avait rien à voir. Elle a écrit des recueils de nouvelles. Moi, j'adore des nouvelles. Et ça, elle traite de toutes sortes de sujets. Là. Oui, c'est souvent, évidemment, l'Église, libération. Bon, en tout cas, moi, je les lisais comme libération de la femme. Fait que, non, pour moi, là, une très grande auteure. Et je lui souhaite... qu'elle soit heureuse d'avoir 100 ans, parce que je me dis, il doit avoir quand même aussi un fardeau d'être vieille comme ça. C'est peut-être pas si facile que ça. En tout cas, je lui souhaite qu'elle soit heureuse d'atteindre cette grande âge-là. Et vraiment, là, je trouve ça très, très, très triste qu'il y a comme un oubli de Claire Martin. Et j'en parle maintenant et pas le 18 avril, parce que le 18 avril, première chose, on n'aura pas d'émission. Et les émissions qui s'en viennent, bon, la semaine prochaine, c'est le Salon du Livre. Et bon, je vais l'annoncer maintenant, du 9 au 13 avril, je vais animer entre midi et 13h30 une quotidienne où je vais recevoir beaucoup d'auteurs. Fait que rendu au 14 avril, oui, il va y avoir une émission, mais j'aurai pas beaucoup de temps de la préparer. En fait, je la prépare déjà maintenant. Et je voulais quand même parler à tête reposée de Claire Martin. Est-ce que tu auras des titres à nous proposer? Est-ce que j'ai des titres à proposer? Bon, dans un gant de fer, la joue gauche et la joue droite. Le livre d'images de ma vie, c'est des entrevues avec elle. J'avais La Brigande, que j'avais beaucoup aimé. Il y a, j'avais écrit d'autres titres, si vous voyez pas ça, de quel bordel que c'est ici. Il y avait Le Feu Purificateur, qui, là, elle retourne vraiment, ça c'est autobiographique, elle retourne à l'histoire de son père. Avec ou sans amour, toute une vie, Doux amer, qui était sa première publication, Quand j'aurais payé ton visage, Les morts, L'amour impuni, il s'appelait Thomas, L'inconnu parle encore, tous des livres à lire, et bonne fête, Claire Martin. On se retrouve après la pause. Secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leaf, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Barbe Rinck au microphone. Et Karine. C'est Karine Lacroix-Pelletier, enfin, qui depuis émerge. Le début de l'émission. Oui! Qui émerge de sa maternité pour nous parler de maternité. C'est merveilleux. Sort pas, hein? On s'en sort pas, non. Je suis pas fine hein, de te mettre un livre sur la maternité entre les mains. Ah, ben écoute, il y a des fois qu'on ne peut pas y échapper. Alors, le livre de Annie Cloutier, Aimer, Materner, Jubiler. Un livre qui a fait grand bruit quand même. Hein. C'est oui. Pour un essai oui. Québécois. Là. Moi, on en a parlé dans toutes les tribunes. Oui. Et tant mieux, parce que vraiment, bon, on va en dire du bien, parce que c'est bien. Ça pose des questions assez assez intéressantes. Moi, c'est assez confrontant pour moi. Là. j'ai vraiment aimé ma lecture. Donc, Annie Cloutier d'abord, hein, qui est elle. Une écrivaine qui a publié 3 romans que je me confesse, je n'ai pas lu. Je peux te les prêter. Je sais, tu la connais bien. Hein, Ce qui s'endigue, La Chute du mur et Une belle famille plus récemment. Là, qui est, donc, une écrivaine accomplie. Hein, mais c'est aussi une sociologue de formation qui est présentement au doctorat à l'Université Laval ici. Et son mémoire de maîtrise portait sur les mères au foyer. Donc, les mères au foyer québécoises, issues de la classe moyenne. Donc, ce mémoire-là est certainement à la source de l'essai dont on parle ici, donc « Aimer, materner, jubiler », qui porte sur la valeur du choix, la valeur sociale, hein, du choix que font certaines femmes, dont Annie Cloutier elle-même, hein, parce qu'elle en parle dans le livre, de rester à la maison pour materner, hein, materner les enfants. S'occuper des enfants, un choix, et c'est le constat qui est fait ici, hein, qui se trouve en porte-à-faux, en contradiction avec un certain discours féministe dominant, qui veut qu'on aille travailler. Qui veut qu'on aille travailler. Et qu'on les envoie à 7 $ à la garderie. C'est et ça. Bientôt 9. Et qui fait du travail rémunéré, ouais. La condition sine qua non de l'émancipation des femmes, parce que c'est ce qui permet d'atteindre l'autonomie financière, qui est quand même un bon acquis du féminisme. Oui, mais en même temps, ça envoie le message que s'occuper de ses enfants, de materner, n'est pas un travail. Exactement. Exactement. Et c'est le constat qu'elle fait. C'est de ça dont il est question. C'est que, bon, il y a une tension entre féminisme et maternité. Alors, le féminisme a voulu que les femmes s'émancipent, ne soient plus dépendantes de leur mari. Et pour ça, il fallait qu'elles intègrent le marché du travail, ce qu'elles ont fait en masse. Et l'État québécois a mis en place toute une sorte de mesures pour aider les femmes à intégrer le monde du travail. Donc, les garderies, comme tu le disais, à 7 $ qui permet à toute femme qui travaille de pouvoir le payer ça, à tout ménage, de pouvoir le payer, les garderies, les congés parentaux dont je bénéficie présentement, étendus, généreux, tout un paquet de mesures comme ça qui facilitent l'insertion professionnelle. Mais ça va pas sans... Il y a un prix à payer pour ça. Et le prix de ça, c'est la dévalorisation, comme tu le disais, du travail à la domestique, du maternage, du soin donné aux enfants, de la disponibilité de la mère. Ou du père. Ou du père, bien sûr. On peut. C'est ça la question. Est-ce que dans materner, on ne parle que du rôle de la mère par rapport aux enfants? Si ben, il est question du père dans ce livre. Mais on parle vraiment de maternité. Mais à mon sens, je ne pense pas que ça pourrait être la paternité. Ce rôle de maternel pourrait être occupé par un père. Hein. Ça, c'est le choix d'un couple, je pense. Exactement, exactement. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est un essai très, très personnel, Annie Cloutier y investit de sa personne, de son couple, de sa famille. Il y a des analyses théoriques. Vraiment, c'est très accessible, hein, je dois dire, au départ. Là, c'est une œuvre qui est solidement documentée. Il y a des passages plus théoriques avec des études universitaires et tout. Il y a des passages de son mémoire, là, mais il y a du vécu, des témoignages, des réflexions plus légères ou plus... c'est assez accessible. Qu'est-ce que je voulais... J'ai perdu le fil de ce vers quoi j'allais avec ça. Comme tu me l'as dit, hein, tu l'as lu, un enfant au sein et le livre dans l'autre. J'ai noté. C'est correct donc, que tu perds le fil. Hein? Ben, c'est ça. Déjà parce que effectivement, je l'ai lu en butinant. Hein. Je le prenais au moment de l'allaitement, je le déposais, je le reprenais à un autre endroit, je ne l'ai pas lu de façon linéaire. J'ai vraiment butiné au travers. Mais je l'avais commencé en sachant pas si j'allais le lire au complet et je l'ai vraiment dévoré. Donc c'est un livre vraiment qui pose ce à quoi je voulais arriver, c'est qu'il pose des questions vraiment vraiment essentielles sur le sous-titre du livre, c'est l'impensé féministe au Québec. Et l'impensé féministe, c'est vraiment cette notion là. Qu'est-ce qui en est du travail à la maison? Est-ce que on n'a pas oublié cet aspect-là? Est-ce qu'on le dévalorise pas injustement? Et là, il reste tellement peu de temps qu'on peut même pas arriver à en faire le tour. Mais disons que pour Annie Cloutier, fait là où c'est vraiment très intéressant, elle fait une critique du travail rémunéré à tout prix. Hein? On incite les femmes à intégrer le marché du travail, comme on le disait. Et elle fait cette critique-là qui est, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vraiment les femmes s'émancipent en intégrant à tout prix le travail? Si on prend l'exemple des congés de maternité, si quelqu'un qui fonde une famille, elle part en congé de maternité un an, peut-être plus, elle revient quelques mois, elle repart ensuite, quel investissement personnel va-t-elle avoir à son travail? Est-ce qu'il n'y a pas des déchirements, évidemment, qui vont avec le fait de devoir laisser les enfants à la garderie, de manquer de disponibilité pour eux? Des fois, la perversité à la deuxième grossesse de laisser un enfant à la garderie, même si on est disponible à la maison, maison pour pas perdre la place parce que il faut retourner travailler parce que ça aussi c'est une perversité du système. C'est ça, exactement. Que j'ai vécu, c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de la mort, de la garderie. Mais c'est à un moment donné, c'est ça aussi là, il y a vraiment une pression et je trouve ça important de poser ces questions-là à un moment donné. Il y a une pression dans l'emploi aussi. Si tu pars trop longtemps, tu vas perdre ta job. Hein? Exactement, mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on prévoit pour des femmes qui décident de rester, des familles qui décident de vivre avec moi. Et qui accomplissent un travail absolument essentiel dans la société. Mmh. On a soin des enfants, c'est essentiel. Et ça aide à la productivité des autres, de ceux qui travaillent, justement. Donc, il y a vraiment vraiment une ambiguïté puis une grande tension entre le monde du travail et celui de la maternité qui est difficile à réconcilier. Puis, en tout cas, on n'aura pas le temps de faire. Non, et ça ramène à des discussions que le féminisme italien a déjà faites dans les années 70, qui étaient à la recherche, justement, d'un salaire pour les femmes qui décident d'être à la maison. Oui. Mais c'est toujours la question du libre choix, du libre arbitre, oui, de ce qu'on veut faire. Le problème, c'est ça, c'est que ceux qui mettent de l'avant un salaire à la maison, c'est des partis de droite. Hein? Il y a la défunte ADQ, mettait de l'avant une mesure comme celle-là. Et est-ce que c'est pas nécessairement ce qui est, au nom du libre choix des femmes, mais c'est pas nécessairement, il s'agit pas ici de renier les acquis du féminisme. Il y a des femmes qui veulent travailler et qui s'épanouissent là-dedans et qui et c'est très bien, ça en prend. Mais pour les autres qui ne s'épanouissent pas, qui s'épanouiraient davantage à la maison et qui serviraient, qui auraient un travail, qui voudront retourner plus tard travailler, qui voudront prendre un 10 ans, 12 ans, le temps que les enfants partent bien dans la vie. C'est ça, c'est toutes ces questions-là qui sont mises. Moi, j'en reviens toujours avec le même argument. Ça pourrait être les gars aussi. Oui, tout à fait. Absolument. Ça, absolument. Mais sauf que, bon... En l'occurrence, c'est plus souvent les femmes qui se retrouvent face à ces choix-là. Le demandait pour les gars, je suis sûre que ça passerait. Si c'était un mouvement... On gage que ça passe tout de suite, sans problème. Faut que les gars s'y mettent, Exactement. Voilà. Merci, Karine. Merci, Berbel. C'est une drôle de conclusion. Oui. Inattendu comme conclusion là. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, Barbara Rank au microphone. Je tiens quand même à glisser un petit mot sur un très beau livre que quelqu'un m'a prêté. J'ai essayé de convaincre cette personne d'en parler elle-même. Je suis sûre qu'elle ferait mieux que moi. Marie Clark, Le lieu précis de ma colère, je trouve juste le titre est d'une beauté inouïe. C'est l'histoire de Benjamin, 30 ans, un gars qui sait pas trop où il s'en va, y a pas de travail, pas d'amoureuse, pas de vie. Il va tomber sur René Xavier, un petit garçon de 8 ans qui est un peu perdu comme lui et qui, les deux vont se rendre compte que tous les deux sont des extraterrestres d'une certaine manière. Et ils vont passer l'été ensemble. À eux vont se joindre d'autres jeunes en difficulté pour le regard qu'on a de l'extérieur. Mais de l'intérieur, ce sont tous des jeunes qui sont à la recherche de quelque chose d'autre, qui ont justement une colère en eux et qui doit être canalisée. René Xavier va devenir Eryx. Ils vont tomber sur Kenzo, sur Raphaël, sur Marshall, qui est un grand noir visiblement impliqué dans le trafic de vélos volés, mais qui va les aider à avoir un vélo... pour chaque enfant, pour chaque enfant qui va retaper à l'image de l'extraterrestre qu'ils sont. Il va avoir un Guillermo qui va mettre un bébé, un jeune enfant entre les mains de Benjamin. Benjamin, il va finir par créer un lieu qui s'appelle La Base où il va aider ces jeunes-là. Pour moi, ce roman-là, là, c'est un roman... De l'extérieur, ça a l'air d'être un roman pédagogique, mais c'est surtout un roman d'espoir, d'un très, très grand espoir que on peut rejoindre tout le monde d'une manière ou d'une autre, que la normalité, c'est peut-être pas ce qui est toujours souhaitable, que pour certaines personnes, c'est juste pas possible et que c'est pas le chemin où il faut aller. Vraiment, c'est super bien écrit. Elle a écrit d'autres romans avant. Crédible. Tout à fait. Je veux dire, un jeune de 30 ans qui s'occupe d'un petit gars de 8 ans puis de d'autres. La mère le paye. La mère le paye. Et les autres jeunes, c'est des jeunes dans la rue. C'est des jeunes dans la rue ou qui habitent dans les familles. C'est ça qu'on comprend. Là. C'est vraiment... pour le René Xavier, il est payé et les autres, ils récupèrent. C'est des enfants abandonnés. Là. Okay. C'est crédible. Non, tu suis ça. C'est pas, pour moi, là, vraiment un roman. Ça n'a pas l'air d'un pervers sexuel. Ah, du tout. Il n'y a même pas l'ombre d'un soupçon de ça. Marie Clark, Le lieu précis de ma colère. Il y a deux romans qui précèdent cette œuvre-là qui jouent déjà dans cet univers de chevalier extraterrestre que je n'ai pas lu, mais que je me promets de lire. C'est paru chez XYZ Éditeur. Mais le premier, je pense, est paru chez Urtubise. Ça aussi, c'est un mystère que je comprends pas pourquoi on change de maison d'édition. En tout cas, on est déjà à la fin de l'émission et je veux quand même remercier Isabelle Porter qui s'est déplacée pour nous parler du livre I'm Your Man de Sylvie Simmons, une biographie du grand Leonard Cohen, juste paru dans toutes sortes de langues, sauf le français. Gilles Chaumel, tu nous as parlé de... Avec de 33 révolutions par minute, qui est finalement l'histoire sociale, politico-sociale de l'Amérique du Nord. 33 révolutions par minute, une histoire de la contestation en 33 volumes, en 33 chansons. Volume 1, Dorian Lynskey, Rivage Rouge. Merci Gilles. Moi, je vous ai parlé de la grande Claire Martin. Vous trouvez tous les titres que j'ai soulignés sur notre page Facebook. D'ailleurs, tous les autres titres aussi. Venez passer par là, venez nous voir. Chaque semaine, on sort un album photo avec les titres qu'on a mentionnés, dont on a parlé dans l'émission. Et Karine, tu nous as parlé de... Annie Cloutier, Aimée Maternée Jubilée chez VLB Éditeur. Merci. Moi, je remercie ben gros Gerrit Dagger à la mise en onde pour toutes les fois que j'ai oublié de le dire. Et je vous l'aurais dit, passez par ici, 405 3e Avenue, cette fin de semaine. C'est le Radioton. C'est le temps de venir nous soutenir aussi financièrement. Beaucoup de vedettes vont être en place. Oui. Effectivement, et on est là, nous aussi, on va passer par ici, on va être sur place. Venez nous voir parce que la grande liberté qu'on a ici de prendre la parole, faut pas que ça se perde. Merci et à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Télé-Québec, la chaîne de télévision publique du Québec propose, tout comme CKRL, une programmation unique qui a pour but de refléter la diversité sociale et culturelle du Québec.